Merci Tiffaine de Roquigny. Les auditeurs vous retrouvent demain et moi je vous dis à lundi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour le quatrième et dernier épisode de notre série consacrée aux écrits de guerre de Churchill et de De Gaulle avant le week-end de célébration du centenaire du 11 novembre 1918. Une série commencée lundi par les mémoires de Churchill durant la Grande Guerre, lui qui l'a vécu en tant que ministre de la Marine, puis dans les tranchées des Flandres après l'échec de l'opération des Dardanelles, dont on l'avait rendu responsable. Antoine Cadet nous a présenté ses mémoires dans une émission à réécouter en téléchargement. Et puis mardi, avec Alexandre Duval-Stalla, nous avons retracé la biographie de De Gaulle à l'aune de la littérature, en insistant notamment sur sa jeunesse dans une famille cultivée et sur l'hésitation qu'il a eue longtemps à devenir écrivain. Enfin hier, avec Jean-Luc Barré, nous avons continué de parler de De Gaulle et de la littérature par le prisme notamment des écrivains qu'il aimait et qu'il lisait. Nous avons également parlé plus largement des mémoires de guerre et du mythe gaulliste qu'elle visait à mettre en place. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour nous demander à quel point ces mémoires sont des objets littéraires, nous sommes avec vous, Jean-Louis Janel, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelques mois, vous étiez venu ici nous présenter les mémoires de Simone de Beauvoir, dont vous avez dirigé l'édition en deux volumes dans la Pléiade. Vous êtes l'auteur de l'essai « Écrire ses mémoires au XXe siècle » que vous aviez publié chez Gallimard aussi en 2012. Un essai dans lequel vous montriez que le genre de l'écriture des mémoires est aujourd'hui un peu dépassé par le genre de l'autobiographie. Et pourtant, disiez-vous, il y a eu d'illustres mémorialistes au XXe siècle, que ce soit justement Simone de Beauvoir, mais aussi Malraux ou encore évidemment Charles de Gaulle, dont on parle aujourd'hui et qui figure lui aussi depuis l'an 2000 en Pléiade. Alors avant d'aller plus loin, peut-être parler un tout petit peu de cette différence que vous faites entre le genre de l'autobiographie et le genre des mémoires, même si on y reviendra de manière plus longue dans cette émission qui portera évidemment beaucoup sur ce thème, Jean-Louis Janel. Oui, tout à fait. La distinction, en fait, elle s'opère avant tout pour nous, critiques. Les textes sont toujours beaucoup plus compliqués, mais nous avons besoin de catégories, effectivement, pour distinguer. Et il me semble que la distinction la plus aisée à faire, ce serait d'opposer directement Sartre et De Gaulle, les deux grands opposants, finalement. Vous savez que la fin des mots de Sartre se termine sur une formule qui contient le terme salut. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Et Sartre écrivait, tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Le terme salut, pour Sartre, ici désignait une sorte de vocation, de mission qu'il aurait pu se sentir dont il aurait pu se sentir chargé en quelque sorte dans son enfance, celle de devenir le grand écrivain du XXe siècle en quelque sorte. C'est ce salut qu'il répudie à la fin des mots pour une forme de une déclaration de démocratie, de conviction en quelque sorte démocratique. C'est tout à l'opposé chez De Gaulle. De Gaulle est un sujet plein qui ne s'interroge pas sur sa mission d'une certaine manière, qui l'assume totalement. C'est un sujet qui s'adresse à une communauté et non pas à des individus, tous les hommes, mais tous en particulier, chacun pour soi en quelque sorte. Il s'adresse à une communauté qui est celle des Français. C'est un sujet où la vie privée et le parcours public ne se distinguent pas, en quelque sorte, ils ne font qu'un. C'est cette unité et cette formule qui est récurrente chez De Gaulle, qui commence beaucoup de ses phrases par ce qui presque devient à certains moments une sorte d'anaphore, pour moi. Il y a une assomption du sujet, plein, qui est propre au mémorialiste. L'autobiographe s'interroge sur son passé, il a des doutes, des trous de mémoire, il cherche à reconstituer l'histoire d'une personnalité. Le mémorialiste, au contraire, lui assume en quelque sorte publiquement un parcours de vie. Il cache ses doutes s'il en a. Et il cache les doutes en général. Il assume au contraire une sorte de fidélité à soi. C'est la promesse, en quelque sorte, qui est essentielle dans les mémoires, alors que c'est l'interrogation sur une personnalité, un passé, qui est essentielle chez l'autobiographe. Et donc l'une des questions de cette émission sera de comprendre pourquoi finalement on est passé aujourd'hui de l'un à l'autre et pourquoi les mémoires sont peut-être aujourd'hui un genre qui est considéré comme étant un peu daté. Est-ce que les mémoires de Beauvoir, de Malraux et de De Gaulle sont à la même enseigne dans cette idée que c'est un genre qui est un petit peu daté, parce qu'on a l'impression que les mémoires de Beauvoir, par exemple, sont très à la mode. Alors, je voudrais insister sur un point, c'est qu'ils sont datés au regard de la critique, qui s'est construite depuis une trentaine, quarantaine d'années autour de la notion de pacte autobiographique, donc autour de l'autobiographie, et qui a en quelque sorte négligé ces textes qui sont à l'articulation de l'histoire et de la littérature. En revanche, en termes de production, de notoriété des textes, de diffusion dans le public, il me semble que les mémoires n'ont rien perdu de leur actualité. Le grand succès d'Alias Caracalas, de Cordier, de Daniel Cordier, le succès même des mémoires, le lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann lui-même, montre que le modèle des mémoires, en réalité, reste bien. C'est-à-dire, je définirais les mémoires comme une espèce de parcours de vie dans sa condition historique. Est-ce que c'est un genre qui est plus facile à lire que le genre de l'autobiographie, parce que finalement il laisse moins de place à l'ombre, aux interrogations? Peut-être, mais je ne pense pas qu'il soit plus facile à lire, ne serait-ce que parce que nos attentes en réalité sont configurées par le modèle autobiographique et que nous attendons une sorte de révélation, d'introspection, d'exposition de soi qui n'est pas celle du mémorialiste. Du coup, les mémoires, me semble-t-il, heurtent certains de nos attendus et en particulier cette espèce de remise en cause de soi qui ne sera pas celle du mémorialiste. C'est le cas de De Gaulle, par exemple, qui jamais à aucun moment ne doute de son parcours. Alors, pour entrer plus avant dans l'émission, je propose d'écouter un extrait des Mémoires de guerre, lu ici par Pierre Chabert. La France vient du fond des âges. Elle vit. Les siècles l'appellent, mais elle demeure elle-même au long du temps. Ses limites peuvent se modifier sans que change le relief, le climat, les fleuves, les mers qui la marquent indéfiniment. Y habitent des peuples qu'étreignent au cours de l'histoire les épreuves les plus diverses, mais que la nature des choses, utilisée par la politique, pétrit sans cesse en une seule nation. Celle-ci a embrassé de nombreuses générations. Elle en comprend actuellement plusieurs. Elle en enfantera beaucoup d'autres. Mais de par la géographie du pays qui est le sien, de par le génie des races qui la composent, de par les voisinages qui l'entourent, elle revêt un caractère constant qui fait dépendre de leur père les Français de chaque époque et les engage pour leurs descendants. À moins de se rompre, cet ensemble humain sur ce territoire, au sein de cet univers, comporte donc un passé, un présent, un avenir indissoluble. Aussi l'État, qui répond de la France, est-il en charge à la fois de son héritage d'hier, de ses intérêts d'aujourd'hui et de ses espoirs de demain? La compagnie des auteurs sur France Culture. Qu'est-ce que vous retenez, Jean-Louis Janel, de cet extrait qu'on vient d'entendre? Il y aurait énormément de choses à dire. Bon, ce qui est le plus frappant, évidemment, c'est la personnification de la France dans finalement la continuité d'un Michelet. C'est vrai que la France n'est pas un sujet pour l'autobiographe. Hein. Non, mais elle l'est pour le mémorialiste, effectivement. Et on a soupçonné De Gaulle, effectivement, d'une sorte d'effacement de son intimité. Vous savez que le premier tome des Mémoires de guerre de De Gaulle, l'appel, commence précisément sur une naissance qui se confond avec l'amour de la France. Donc il y a bien une forme d'intimité, mais elle est d'ordre patriotique, elle est une émotion patriotique. Il y a autre chose qui me frappe, c'est qu'effectivement on voit ici les limites pour nous aujourd'hui du texte gaullien, cette obsession d'une unité de l'identité française est à l'encontre de notre obsession au contraire de la diversité. Donc on voit là ce qui pourrait apparaître comme clivant, mais c'est bien un moment de l'identité française, en tout cas de l'histoire française, que cette espèce de d'obsession. Il y a une très belle formule de Gaulle à la fin, donc du salut, où De Gaulle écrit « La marée, en se retirant, découvre donc soudain, d'un bout à l'autre, le corps bouleversé de la France. » Le corps bouleversé de la France. On a une personnification et une forme de d'hypallage. Ce sont les Français qui sont bouleversés, non pas la France. Il y a donc une figure de style magnifique, effectivement, qui est empruntée à la tradition rhétorique, assez classique, mais qui dit bien ce souci de à la fois d'unifier la communauté française et de s'identifier à cette unification afin de s'en faire le sauveur. La légitimité, ce que De Gaulle appelle continuellement le trésor de la légitimité, qui aurait été abandonné en 1940 et qu'il aurait récupéré en quelque sorte, dont il aurait pris la charge. Cette légitimité, elle a pour condition en quelque sorte que la France forme bien une unité. Donc on voit bien comment ce type de littérature peut ne pas fédérer totalement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez participé, vous avez même dirigé un numéro des Temps modernes, donc la revue quand même fondée par Sartre, qui était à l'époque dirigée par Claude Lanzmann, sur cette question du rapport entre De Gaulle et la littérature, sous le titre « De Gaulle, la France et la littérature ». Alors la première question qui vient à l'esprit, c'est comment se fait-il que cette revue-là, a priori d'une tradition d'opposition à De Gaulle, donc sartrienne, comment se fait-il que vous vous soyez emparé de ce sujet-là pour dire en plus, quand même, globalement, que au fond, De Gaulle, c'est un grand écrivain. Oui, tout à fait. Au départ, c'était un petit peu une forme de, pas de provocation tout à fait, mais enfin, une manière de montrer que les choses étaient peut-être plus compliquées que ne le laissait penser le débat qui a suscité effectivement ce... Et dont on va parler. Souvenez, qui est un débat donc né au moment de les mémoires de guerre de De Gaulle et le troisième tome, c'est ça qui faisait peut-être, me semble-t-il, surtout débat, le salut avait été placé au baccalauréat, au programme du baccalauréat, avait suscité une fronde assez violente de la part des professeurs. À la place des pensées de Pascal. À la place des pensées de Pascal. Cette fronde avait été relayée par les médias, avait suscité des polémiques qui, me semble-t-il, étaient assez... très clivée et peu intéressante. Et j'avais eu le projet, et je l'avais proposé au Temps modernes, de faire un numéro. Il me semblait que c'était intéressant que ce soit précisément les Temps modernes qui accueillent un numéro sur... Mais un numéro qui se voulait aussi critique, où effectivement la plupart des collaborateurs sont favorables, mais le numéro s'ouvre sur un article à six mains d'Isabelle Gary, de Madame Ledet et Vinas, qui sont toutes les trois des professeurs du secondaire qui avaient à enseigner De Gaulle et qui étaient très opposés. Isabelle Gary avait été l'une des... l'une des personnes qui avait initié la pétition, notamment contre ce programme. Alors, ce qui m'a, moi, surpris, c'est finalement l'enthousiasme, même au-delà de ce que j'attendais des Temps modernes, puisque, sans que je n'en sache rien, Claude Lanzmann a choisi d'y ajouter une préface. C'est une préface assez... Il a choisi lui-même, d'ailleurs, le titre, « De Gaulle, la France et la littérature ». Vous n'étiez pas forcément d'accord avec voilà, ce titre. Voilà, un titre un peu ronflant que je n'aurais pas choisi pour ma part. Mais il a écrit ce texte assez étonnant, 1970, un soir de novembre en Méditerranée, le moment où il apprend la mort de De Gaulle et où il prend conscience de l'effacement, de la disparition de toute une partie de sa jeunesse, lui qui a pourtant été en tant que sartrien un opposant assez fort. Mais Lanzmann insiste bien, comme également Jacques Le Carme, qui dans un très beau texte « Lire de Gaulle » en 1956 adopte d'une certaine manière la même position, insiste bien sur le caractère plus complexe qu'on pourrait le penser de l'identité gaullienne ou de la figure de De Gaulle pour des membres de leur génération, des jeunes gens qui étaient tout de même de gauche et de façon assez virulente anti-gaulliste. Pour ces jeunes gens, De Gaulle était aussi le libérateur de la France, était aussi l'homme du 18 juin, était aussi un homme qui, en quelque sorte, bien qu'il ait été l'homme du RPF, était incarné autre chose. Et notamment un certain rapport à la littérature. Et c'est ça, je pense, aussi bien de la part de Lanzmann que de la part de Le Carme, a paru en quelque sorte oublié par cette nouvelle génération de professeurs et les a choqués. Alors, peut-être faut-il rappeler la date de parution, c'est 2010. Oui. Il faut peut-être voir aussi qu'à l'époque, les présidents que nous avons ne sont plus très littéraires. Et c'est peut-être justement cette nostalgie qui étreint des gens comme Lanzmann. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu une erreur de se baser sur la nostalgie et pas sur la question posée qui était est-ce que il est légitime que les écrits du général de Gaulle soient considérés comme étant de la littérature et étudiés à ce titre pour le bac de français, Jean-Louis Janel? Alors, il y avait la nostalgie, mais il y avait quelque chose de plus gênant. Il y avait effectivement un calcul, une stratégie d'ordre politique. Pourquoi ne pas avoir choisi le premier tome, l'appel, ou le second, l'unité, plutôt que le salut? Le salut correspond à un moment où De Gaulle, en quelque sorte, se bat contre les partis politiques pour instaurer ce qui sera finalement son programme de 5e République. Donc, il y a toute une dimension très politique, politicienne, dans ce troisième tome, qui pouvait laisser penser que de la part, effectivement, du gouvernement, en tout cas, ou s'il y a eu influence, je n'en sais rien, mais en tout cas, des choix qui avaient été faits, il y avait peut-être quand même une stratégie politique à un moment où Sarkozy tentait de laisser, d'introduire l'idée d'une sorte de mystère de l'identité. Bon, voilà, toute une série. Et du roman national. Et du roman national. Favoriser ce courant. Donc, effectivement, de ce point de vue, les professeurs de français avaient raison. Et je pense que leur interrogation était légitime. En revanche, ce qui, moi, m'a peut-être un peu soufflé, c'était cette idée, l'un des principaux arguments, c'était « nous sommes des professeurs de littérature, de français, nous n'avons pas enseigné l'histoire ». L'idée que l'on puisse voir dans les mémoires de guerre de l'histoire et non pas de la littérature me semblait une négation d'une tradition française ancrée depuis tout de même très longtemps. On peut remonter même au-delà de Saint-Simon, hein, Joinville, enfin d'autres communes évidemment. Et je comprenais mal l'idée que, alors peut-être jusqu'à Chateaubriand aurait-on admis que ce soit de la littérature, bien sûr. Mais c'est comme si, d'une certaine manière, après Chateaubriand, les mémoires sortaient de la littérature, ce qui n'est pas le cas, me semble-t-il. Et il y avait là, de la part de tout un corps enseignant, quelque chose qui, moi, me stupéfiait, c'était l'idée qu'on l'on puisse abandonner toute une partie de la littérature aux mains des historiens. Comme une manière de... C'était une guerre de position, finalement, entre les matières? Alors, une guerre de position entre les matières, mais où les littéraires eux-mêmes, en quelque sorte, abandonnaient toute une partie de la production et en quelque sorte se dévalorisaient eux-mêmes par rapport aux historiens. Pourquoi les littéraires sont aussi des historiens de la littérature et à ce titre peuvent tout à fait rendre compte d'un texte comme celui, même sur un plan historique, comme celui de De Gaulle. Et la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est moins écrivain parce qu'on est un homme politique? Est-ce qu'on est moins écrivain parce qu'on écrit sur un sujet qui est l'histoire? Alors non, si l'on en croit l'histoire de la littérature française, au contraire, bien sûr, la politique a toujours été l'un des lieux de la, alors évidemment de manipulation aussi, mais l'un des lieux de la de l'expression de la politique. Ce qui m'embêtait là aussi, c'est qu'on oubliait que ces textes, comme les mémoires de guerre, sont des textes qui ont un effet sur le corps social et que cet effet, comme l'histoire, il est littérairement construit. L'idée que des professeurs de français puissent refuser que un texte qui a joué un rôle aussi important, quelle que soit la position politique que l'on adopte et le regard que l'on porte sur lui, ne tienne pas son efficacité, son efficience d'effet proprement littéraire, ça me semblait stupéfiant. Alors justement, les effets littéraires, essayons de les déceler dans les mémoires de guerre. Je vous propose d'écouter justement un extrait de ces mémoires, puis vous allez me dire si on peut, de manière objective, dire que c'est de la littérature, et si oui, pourquoi. À 3h de l'après-midi, j'arrive à l'Arc de Triomphe. Je ranime la flamme. Depuis le 14 juin 1940, nul n'avait pu le faire qu'en présence de l'envahisseur. Puis je quitte la voûte et le terre-plein. Les assistants s'écartent. Devant moi, les Champs-Élysées. Ah, c'est la mer. Une foule immense, émassée de part et d'autre de la chaussée. Peut-être 2 millions d'âmes. Les toits aussi sont noirs de monde. À toutes les fenêtres s'entassent des groupes compacts, pêle-mêle avec des drapeaux. Des grappes humaines sont accrochées à des échelles, des mâts, des réverbères. Si loin que porte ma vue, ce n'est qu'une houle vivante dans le soleil, sous le tricolore. Innombrables Français, dont je m'approche tour à tour, à l'Étoile, au Rond-Point, à la Concorde, devant l'Hôtel de Ville, sur le parvis de la cathédrale, si vous saviez comme vous êtes, pareil. Vous, les enfants, si pâles, qui trépignaient et criaient de joie, vous, les femmes, portant tant de chagrin, qui me jetaient, vivats et sourires, vous, les hommes, inondés d'une fierté longtemps oubliée, qui me criaient votre merci, vous, les vieilles gens, qui me faites l'honneur de vos larmes, ah, comme vous vous ressemblez. Et moi, au centre de ce déchaînement, je me sens remplir une fonction qui dépasse de très haut ma personne, servir d'instrument au destin. Alors Jean-Louis Janel, est-ce de la littérature que l'on vient d'entendre ? Je ne pourrais pas dire si objectivement c'est de la littérature, ne serait-ce que parce que ce n'est pas vraiment ma fonction. En tant qu'historien de la littérature, je reconnais que ça a été reçu comme tel et que ça peut l'apparaître. Après, on peut effectivement être choqué par la fonction proprement politique qui est celle de ce texte. Il faut rappeler que ce tome est publié en 1956, qu'on est dans une France qui est encore très divisé, et que la fonction des mémoires, et notamment des mémoires de guerre du général de Gaulle, c'est de reconstruire une unité. Mmh. Cette reconstruction d'unité, elle passe précisément par l'utilisation d'une forme d'assomption de soi afin de réunifier le corps français qui a été divisé par une forme de guerre civile. D'où l'importance, d'où l'insistance sur les différents âges de la vie, les vieillards à qui on donne les larmes, les femmes, les hommes, etc., les enfants, dans un ordre inverse. D'où l'insistance sur le « vous êtes tous pareils ». Oui, alors elle est très difficile à comprendre, cette phrase. Qu'est-ce que ça signifie si vous saviez comme vous êtes tous pareils. L'idée, c'est qu'il y a une sorte d'identité fondamentale, d'identité française, qui en quelque sorte serait plus importante que les divisions de la guerre. Il n'y a pas collaborateurs d'un côté et résistants de l'autre. Il y aurait une masse qui serait en quelque sorte, alors sauvée par son adhésion au général de Gaulle. Parce que le point important, c'est la marche le long des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont une sorte d'axe identitaire autour duquel s'organise en quelque sorte la mémoire française. C'est une sorte de parcours mnémotechnique avec les lieux de la victoire, les lieux de la trahison et les dangers qui seraient ceux de la division qui sont rappelés aux Français en quelque sorte à ce moment-là. Et le jeu de va-et-vient de regard entre De Gaulle qui observe les Français, voit leur identité profonde et leur restaure cette identité profonde par sa seule présence, puisqu'il est là, celui, l'homme du 10 juin, qui est pur en quelque sorte. Et le jeu d'acclamation en retour, c'est donc une forme de, en quelque sorte, de légitimation réciproque entre le sauveur et le corps français, le corps de la communauté française, les acclamations qui sont une sorte, en quelque sorte, une manière d'acclamation ou d'élection directe par l'acclamation et donc une reconnaissance de la supériorité du général de Gaulle sur tous les autres, notamment les communistes qui pourraient de l'intérieur revendiquer une même légitimité. Alors je reviens quand même à mon idée, est-ce qu'on peut trouver des indices de littérature dans ce texte, notamment le fait que cette phrase « comme vous êtes pareil » n'est pas intelligible immédiatement. Il nous faut Jean-Louis Janel pour nous l'expliquer. Donc ça, c'est peut-être la différence entre un exposé et de la littérature, c'est que ça laisse de l'espace. Et puis, il y a un certain nombre de métaphores, alors elles sont peut-être pas toutes très originales, l'idée de la foule comme une mère, par exemple. Mm-hmm. Est-ce que ça suffit d'instiller des métaphores et des outils littéraires pour faire de la littérature? Non, je ne crois pas qu'il faille s'en tenir là. Il y a bien un usage rhétorique de la langue. Il y a une sorte d'assomption d'une langue nationale et d'une belle langue qui est effectivement qui caractérise De Gaulle et qui pourrait et qui a laissé penser à beaucoup de, ça a été l'un des points de la discussion notamment à cette époque, à beaucoup des enseignants qui étaient opposés à la présence de ce texte au baccalauréat, qui leur laissait penser qu'il ne s'agissait pas de la littérature. Il y a une opposition très forte entre style et écriture. Une opposition qui nous vient de notre enseignement lorsque nous sommes passés par les Cagnes ou par l'université. Cette opposition, elle est style au sens d'une norme littéraire qui s'imposerait à l'ensemble d'un corps par le biais de l'éducation, de l'enseignement, etc., et qui reposerait sur l'idéal d'une langue française et d'une norme rhétorique, opposé à une écriture où l'écrivain, en quelque sorte, se détache de cette norme et, au contraire, multiplie des infractions, invente, en quelque sorte, une langue qui lui est propre à l'intérieur même de la langue française. Alors, cette opposition, elle est de fait, et on ne peut pas aller contre, je la comprends tout à fait. En revanche, ce qui me semble important, c'est de rappeler que la littérature française ne se réduit pas aux avant-gardes et à ce rapport à l'écriture. Que la littérature française est faite, comme l'a très bien dit Grac dans l'une de ses conférences, d'une littérature qui est d'avant-garde, d'une littérature qui, en quelque sorte, ne cesse d'avancer, de se détacher de ce qui a été fait par les prédécesseurs, et d'une littérature qu'on pourrait dire de rémanence, d'une littérature de maintien d'une tradition. Et on ne peut pas faire de hiérarchie entre ces deux genres-là. Et de ne pas faire de hiérarchie. On peut la faire à titre personnel et avoir des préférences. En tant que littéraire, il me semble important de maintenir les deux, sinon c'est tout un pan d'une littérature pour, dans un certain cas, très académique, dans l'autre, au contraire, grande. Je vous donne un tout petit exemple pris de ce très beau passage que vous venez d'évoquer. Il y a dans ce passage ce qu'on pourrait appeler un sublime de l'émotion nationale, avec lequel on pouvait, à l'époque, ne pas être d'accord. Il se trouve que, par exemple, Beauvoir, qui est une opposante, Beauvoir était présente, comme beaucoup des Français et des Parisiens à l'époque, ce jour-là, et qu'elle était pareille aussi, que les autres. Et qu'elle était comme les autres, elle acclamait. Alors, peut-être n'acclamait-elle pas immédiatement le général de Gaulle, quoique elle ne savait pas à l'époque qu'il deviendrait effectivement un opposant politique, mais en tout cas, elle ressentait, comme tous les Français à ce moment-là, et nous le ressentons lorsque nous voyons, même si la Marseillaise peut nous irriter, par exemple, pour des questions politiques, nous ressentons lorsque nous voyons les images d'archives de ce défilé, cette émotion patriotique qui a saisi les Français en raison de la réunion et de la une forme de en quelque sorte une sortie hors de l'occupation et de tout ce que Vichy a pu représenter. Donc on peut partager cette émotion sur un plan qu'on pourrait dire littéraire et mémoriel en quelque sorte, sans la partager sur un plan politique, strictement politique. Alors il y a aussi la question des vies majuscules et des vies minuscules, oui. Qui est évidemment très importante dans ce débat, parce que on se demande en 2010 s'il est encore légitime de faire de l'histoire à partir des grands hommes, ou si l'histoire, ça n'est pas au fond les citoyens lambda, entre guillemets, qui la font d'abord. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas deux littératures qui s'affrontent ici et qui correspondent peut-être à deux manières de voir la société? Alors, vous avez raison sur cette opposition, et de fait, nous sommes à un moment de vie minuscule et dans un refus, mais qui... On peut rappeler ce qu'on appelle vie minuscule. Vie minuscule, ce sont les vies d'oubliés, les vies de ceux qui n'avaient pas accès à la transmission, au patrimoine, la vie de ceux qui ont besoin, en quelque sorte, soit ou qui ont laissé certaines traces, parfois, ou qui ont besoin de l'historien, de la découverte de documents pour que leur vie soit, en quelque sorte, rappelée, ramenée. Alors que la vie majuscule, elle s'impose, au contraire, les mémoires étant le genre de l'assomption de soi. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une sorte de départ, une sorte d'opposition aussi stricte que cela. Avec la vie majuscule qui est celle de Gaulle, par exemple, il y a celle de tous les Français de la France libre, de tous ces Français dont il parle continuellement, qui ont été au départ des anonymes, qui ont avec lui... Ils sont très présents, ces anonymes, dans les mémoires. Ils sont présents sans que... c'est quelque chose qui peut nous choquer, par exemple, aujourd'hui. Ils ne sont rarement présent nominativement. De Gaulle n'est pas du tout, effectivement, ce n'est pas Foucault. On en est très très loin et il n'y a pas ce désir de reprendre ses vies pour leur donner une forme d'exemplarité. La seule exemplarité, elle est d'ordre politique, elle est celle du grand homme, précisément. En revanche, ils sont présents à titre de groupes, de communautés. Ce sont toujours des communautés à l'intérieur de la communauté. Et il y a une forme de respect de ce point de vue, même des combattants de l'ombre, des résistants de l'intérieur, des communistes, etc., qui nous obligent à penser qu'il y a quand même une opposition qui est moins forte qu'on aimerait le croire aujourd'hui. Alors on continuera, je pense, à parler de cette question avec la chronique du jeudi, chronique aujourd'hui proposée par Pierre Glaude. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à vous Pierre Glaude, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de littérature à l'université Paris 4 et vous venez nous parler, comme c'est l'usage donc le jeudi, du sujet que nous évoquons ici toute la semaine, mais avec un regard davantage subjectif. Et pour évoquer les mémoires de guerre du général de Gaulle, et bien, vous souhaitez partir d'une analogie qui le relie à Chateaubriand. Pourquoi Pierre Glaude? En réfléchissant au thème de l'émission, l'analogie m'a sauté aux yeux. D'abord dans le rapport entre littérature et politique. Chateaubriand a eu une carrière politique et il s'est servi de ses mémoires pour en rappeler le rôle dans l'histoire et aussi pour s'opposer au régime de la monarchie de Juillet avec lequel il était en rupture. Ils ont également un rapport à la guerre. Chateaubriand a fait la guerre, il a été dans l'armée des princes, il a même été blessé. Et puis il a lui-même, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères sous la Restauration, organisé une campagne en Espagne. Donc il y a des rapports et il y a également un arrière-plan religieux dans leur vision du monde. Donc je vois là des analogies, mais surtout ce qui me frappe, c'est que cela aboutit, au fond, à un même jugement littéraire dépréciatif. Et vous pensez que c'est lié aux deux éléments que vous avez énoncés d'abord ? Je pense que de tous ces éléments que l'on peut nouer ensemble, résulte une même préoccupation chez Chateaubriand et chez De Gaulle, qui est de construire, dans la littérature, une figure du grand homme. Mmh. Et que c'est précisément ce qui fait qu'on a pu juger leur œuvre littéraire comme une œuvre dépassée, inactuelle, on a parfois dit ringarde. Et c'est, me semble-t-il, le signe du rapport problématique que notre temps entretient avec la figure des grands hommes. Alors précisément, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui poser problème dans la société et dans la société des lecteurs, puisqu'on parle de littérature, mais pas seulement, avec cette figure du grand homme et de la vie majuscule? Alors il y a plusieurs raisons. Sans prétendre à faire un inventaire exhaustif, j'en verrai trois. D'abord, comme le disait Jean-Louis Janel tout à l'heure, la question des vies minuscules dans le rapport à la mémoire. On a plutôt tendance à exalter le minuscule que le majuscule. Mais je dirais aussi que notre temps privilégie volontiers aussi les victimes plutôt que les vainqueurs. Mmh. Et que nous sommes dans la réparation, voire la repentance, dans un contexte de crise des grands récits, dans la construction du mythe national. Alors évidemment, notre temps vit toujours dans la nostalgie des héros. Nous avons besoin de héros, mais en même temps, notre temps s'inscrit dans un mouvement de fond qui dure depuis des siècles, qui est de désacralisation de la figure du héros. Quel chemin parcouru du héros mythique, qui est un héros religieux, au héros épique, tragique, historique, romanesque et aujourd'hui médiatique. Il y a là évidemment une désacralisation qui fait que le sublime du héros peut être parasité par le grotesque, la dérision en permanence. Et en même temps, on peut se demander en effet pourquoi il faudrait différencier, hiérarchiser, je ne sais pas, le poilu de 14 se fait trucidé sur un champ de bataille et, par exemple, le général qui le conduit et qui va se trouver avec, en effet, une avenue à son nom. Est-ce que ce ne sont pas des questions qui, tout de même, se posent ? Absolument. Elles engagent, selon l'option que l'on choisit, une vision de l'histoire, bien entendu. Et assurément, la vision de l'histoire qui est celle de Chateaubriand et celle de Gaulle est encore une histoire où le grand homme exerce une sorte de fascination. Chateaubriand parle de Napoléon comme d'un poète en action. Mm-hmm. Donc on voit bien... Aujourd'hui, on pourrait plus se permettre, en effet, ce genre de remarques. Non, et il y a sans doute une dernière raison qui explique cette dégradation, qui est le rôle des médias. On est dans une forme de panthéon dégradé Et c'est lié, au fond, à la fois à l'information permanente, aux images dont nous sommes bombardés, et aussi au règne des sondages et de la pipobilisation de la vie politique. Au fond, on assiste à l'émergence de grands hommes, mais... au jour le jour. Alors, qu'est-ce que c'est d'être un grand homme du quotidien? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on l'est à tant de pourcentages et que le lendemain, on l'est moins ou plus. Donc, c'est pas tant la concurrence entre les vies majuscules et les vies minuscules dont vous parlez que la fin de la vie majuscule, ou est-ce que il y a pour vous quand même une concurrence entre les deux et que celle-ci est mal placée et que c'est la victime qui remporte tout? Je crois qu'on a, dans les modèles explicatifs de l'histoire, nous avons changé de paradigme, comme on dit. Et effectivement, nous sommes très dubitatifs à l'égard de l'idée que un grand homme, à lui seul, est capable de changer le cours de l'histoire. Mmh. Jean-Louis Janel, un mot peut-être là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce parallèle, et il me semble qu'il se redouble en quelque sorte. Il y a eu, au XIXe siècle, effectivement, une espèce d'alliance ou de concurrence, je ne sais pas trop, entre Napoléon et Chateaubriand. Chateaubriand plaçant Napoléon au centre de ses mémoires et lui accordant et ne cessant de tresser des parallèles entre la vie de Napoléon et sa propre existence. Et on retrouve le même phénomène d'alliance entre l'épée et la plume, entre De Gaulle et Malraux. Malraux qui place effectivement sa première rencontre avec le général De Gaulle en 45 au centre des anti-mémoires, puis... mais au cœur du miroir des limbes, ce tome, Les chaînes qu'on abat, de sa dernière discussion, son dernier échange avec De Gaulle, dont il fait un texte absolument central. Donc cette espèce d'alliance de la plume et de l'épée, cette rencontre fascinante que Barthes a beaucoup critiquée dans un texte qui précisément était assez proche du titre qui a été choisi par Lanzmann, De Gaulle, la France et la littérature, a été critiquée comme une sorte de rapprochement, de jeu, d'alliance qui serait propre à une forme d'idéologie française, une fascination pour l'action qui est en quelque sorte immédiatement traduite en œuvre littéraire, sublimée par son lien avec l'action, et d'un texte qui serait en quelque sorte, qui devrait toute sa force à cette innutrition par le réel. Effectivement, il y a là peut-être quelque chose d'un peu illusoire, mais c'est une tradition qui a beaucoup compté. Et il me semble que si le grand homme ne doit peut-être pas être jeté dans la poubelle de l'histoire, c'est que même si effectivement son rôle est moindre, et de fait 14-18 a été le grand tournant, ça a été le moment du soldat inconnu, ça a été la dégradation en quelque sorte des chefs qui n'étaient pas en prise directe avec la guerre, que seuls les poilus avaient assumé. Donc c'est vraiment le moment de l'émergence du témoignage contre précisément les mémoires. En même temps, ces vies majuscules et minuscules peuvent quand même cohabiter. Alors, elles cohabitent. En réalité, il reste très très peu de mémoires de la Première Guerre mondiale. Il y a ceux de Clémenceau qui sont des mémoires forcées. Il répond à Foch qui l'accuse. Ce sont des mémoires qu'il n'aurait pas produits sans cette rivalité avec Foch. Donc, il y a très peu d'héritage. C'est vraiment le moment de la chute, en quelque sorte, du genre même des mémoires, même si beaucoup de textes sont produits, mais ne resteront pas des textes de généraux ou autres, ne resteront pas. En revanche, c'est le moment de l'émergence des carnets, des souvenirs, des lettres, de tous ces textes d'anonymes. Les mémoires ne vont redevenir un genre essentiel qu'après la Seconde Guerre mondiale, pour une raison simple, c'est que c'est un moment de guerre civile, il n'y a pas d'unité du corps, alors que la Première Guerre mondiale est une victoire. La victoire, en quelque sorte, produit la défaite d'une autre guerre, celle sur le terrain des genres, défaite des mémoires, alors que la guerre civile, ou larvée de la Seconde Guerre mondiale, redonne aux mémoires une fonction, parce que les mémoires sont une sorte de reconstitution quasi immédiate, ou en tout cas très proche, de la communauté par le biais de l'écriture. Un mot peut-être pour terminer, Pierre Glaude, je crois que vous vouliez dire quelque chose sur la manière dont les mémoires de De Gaulle récupèrent, synthétisent beaucoup de traditions littéraires qui sont des traditions qui remontent jusqu'à l'Antiquité, et ça vous semble important de le noter? Oui, alors d'un côté, il va effectivement à rebours d'une tendance historique que rappelait à l'instant Jean-Louis Janel. Et en même temps, il se fait le point d'aboutissement de toute une tradition, et d'une manière assez géniale, puisque Malraux, dans les Anti-Mémoires, dit de lui qu'il est un personnage plutarchien. Et en effet, De Gaulle se situe dans la tradition des vies parallèles. Il donne sa vie en exemple. Il est lui-même un exemple. Donc la tradition de l'exemplarité et des modèles. En même temps, aussi, il est l'héritier, à cause de ses racines religieuses, des hagiographies de la tradition religieuse. Hein. On n'oublie pas les figures de Saint-Louis, par exemple, ou de Jeanne d'Arc, qui sera récupérée par la tradition républicaine. Et puis, il est également une incarnation du panthéon des Lumières, hein, celui des écrivains, des artistes et aussi des héros de la liberté, car il est un héros de la liberté contre la barbarie nazie. Et donc il récapitule toutes ces traditions pour écrire dans ses mémoires de guerre sa propre légende et d'une certaine manière être celui dans une sorte de théologie du progrès qui porte le salut de la nation. Merci beaucoup Pierre Glaude pour votre chronique. On vous retrouve très bientôt dans la compagnie des auteurs. La compagnie des auteurs que vous écoutez, vous êtes sur France Culture. C'est le dernier jour également d'une série d'émissions consacrées aux mémoires de guerre de Gaulle et de Churchill. Nous sommes avec Jean-Louis Janel pour nous demander justement si les écrits de Gaulle sont ou non de la littérature. Sanford disait: les raisonnables ont duré et les passionnés ont vécu. Voilà 2 ans que la France, quoique trahie et livrée à Bordeaux, continue le combat par les armes, par les territoires, par l'esprit de la France combattante. Pendant ces 2 ans, nous avons beaucoup vécu. Parce que nous sommes des passionnés. Mais aussi, nous avons duré. Ah, que nous sommes raisonnables. Nous sommes, dis-je, des passionnés. Mais, en fait de passion, nous n'en avons aucune. La France. Les milliers d'entre nous qui sont morts pour elle depuis le soi-disant armistice n'ont eu, en rendant le dernier soupir, d'autres noms sur leurs lèvres que le nom de la France. Que vous retenez de cette archive du général de Gaulle. Du général de Gaulle. D'ailleurs, vous voyez, parler de la France de cette manière, c'est évidemment couvrir tous ceux qui ne sont pas morts pour la France, ou qui sont morts pour la France, mais une autre France, qui définissait la France d'une toute autre manière, et il y en a beaucoup. Donc il y a là un procédé qui relève évidemment de la politique, de la stratégie politique, mais qui se comprend en tout cas à l'époque. Il s'agit d'imposer, et notamment, ce qui est très intéressant, c'est que dans les mémoires de guerre, De Gaulle s'adresse autant aux Français qu'il s'adresse en réalité aux Alliés, parce que tout au long de son action, ce sont les Alliés qu'il faut convaincre que la France est encore au combat, puisque au tout départ, ils ne sont que très très peu. De Gaulle ne représente rien. Il n'a aucune fonction, il est même un condamné à mort, il n'a aucune armée, il n'a strictement rien. Donc c'est une longue entreprise de persuasion rhétorique à la fois des Alliés, et c'est le plus important effectivement, qu'il est la France lui, donc le processus d'incarnation il débute là, et ensuite des Français que son action a bien été légitime et s'impose contre celle des communistes. Il y a une autre chose qui me semble intéressante dans cette archive, c'est que vous entendez cette opposition cette insistance sur la passion, nous sommes des passionnés, alors de manière un peu ici ironique, il y a des attendus là encore un peu politiques, mais intéressante parce que le texte de De Gaulle, lorsqu'on lit, apparaît vraiment comme un texte où le lacrymal ne cesse de, les larmes ne cessent de couler. Mmh. Il y a des émotions continuelles. Alors ces émotions, elles sont très orientées et elles sont orientées vers sa personne, évidemment. Mais c'est un texte où la passion et les passions se déchaînent continuellement. Sous l'écriture extrêmement contrôlée, extrêmement concise, obéissant à un idéal de clarté, de logique, etc., traditionnel, il y a un déchaînement des passions et une manière de les régler qui est très contrôlée. Mais alors ces discours, ils ont été étudiés par les hommes politiques qui ont suivi Charles de Gaulle, et peut-être à l'exception de François Mitterrand, aujourd'hui, ces discours-là sonnent quand même moins justes. Oui. Qu'est-ce qui vous semble être perdu? Pourquoi est-ce qu'il y a une incapacité aujourd'hui de l'homme politique, et en particulier au plus haut niveau, à sonner juste et à donner le sentiment qu'il croit réellement à l'émotion qu'il utilise dans ses discours? Je pense qu'il y a une raison toute simple. Il y avait une tradition du discours oratoire qui s'est totalement perdue. Les discours n'étaient pas écrits par des assistants, des chargés de communication ou des plumes. De Gaulle les écrivait. Donc maintenant, il y a une distance entre la personne qui prononce le discours et la personne qui l'a écrit. Il y a une distance très grande. Il y a une attention, comme le disait Pierre Glaude, aux effets que ça va produire, aux sondages, etc., qui changent là aussi, évidemment, le rapport que l'on a. Et puis, il y avait tout un apprentissage de cette rhétorique, de la prise de parole, de l'actio. On le devine presque en l'entendant moduler son discours de cette manière assez extraordinaire pour créer des effets. Alors, est-ce que ça s'est totalement perdu? En tout cas, on aimerait pas tout à fait que ça se perde, me semble-t-il. Il y a eu un changement, par exemple, avec Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing écrit aussi ses mémoires parce que c'est très important. Il écrit des romans aussi. Il écrit aussi des romans. Pompidou a écrit ses mémoires, mais sont un peu ratés. Il meurt trop rapidement. C'est un agrégé de lettres. Valéry Giscard d'Estaing tente de les écrire, mais lui entend se rapprocher. Donc, il écrit des mémoires qui sont un petit peu biaisées, qui sont entre l'autobiographie, mais pas trop non plus, de manière à se rapprocher, d'avoir l'air de se rapprocher des Français. Et puis tout d'un coup, effectivement, Mitterrand, lui, est véritablement dans une sorte de rivalité sur ce plan littéraire, mais n'osera jamais. Il écrit des mémoires à deux voix avec Wiesel. Il tourne autour du genre sans jamais oser, parce qu'il serait trop proche, évidemment, de De Gaulle, l'assumer directement. C'est une question générationnelle. Alors, c'est générationnel, mais pas uniquement. On pourrait prendre le cas de Sarkozy, qui, bien sûr, vous savez que Chirac a fini par écrire les siens. Alors, par le biais d'une plume, il l'a reconnu, Barré, effectivement. Jean-Louis Barré qu'on recevait justement hier pour parler de De Gaulle. Et c'était là aussi un signe d'un changement dans le rapport aux mémoires. Auparavant, on aurait, dans beaucoup de cas, on aurait deviné très simplement qu'il y avait une plume, mais ça n'aurait pas choqué, on n'aurait pas été heurté par cela. Là, on a éprouvé le besoin de le signaler, ce qui est peut-être d'ailleurs tout à l'honneur de Jacques Chirac. En revanche, avec Sarkozy, on a bien vu une sorte de déficit de rapport à la langue, à l'oralité, à la parole, qui a heurté tout de même beaucoup, me semble-t-il. Mmh. Et quelqu'un comme le président Macron, je pense, tente de revenir à cette pratique oratoire. Alors, avec quelque chose de perdu, peut-être. Avec quelque chose de perdu dans la capacité à incarner son discours, me semble-t-il. On le sent beaucoup plus fragile, avec moins de force de conviction, parfois poussant sa voix, mais maladroitement. Et je pense que il montre bien que cette pratique, cette aisance à la prise de parole et à la création d'effets éthiques et pathétiques dans le discours, effectivement, n'est plus le nôtre. Alors, pour revenir à De Gaulle lui-même et à ses mémoires et à la question du témoignage dont il est en effet bien loin, il faut tout de même noter qu'il y a un grand absent dans ses mémoires, c'est l'évocation de la Shoah et peut-être même des résistants de tous bords. Comment vous expliquez ça? Alors, de résistants de tous bords, la question est plus simple. C'est vraiment par visée politique. Il faut faire du... Vous savez qu'il y a eu, après la guerre, une espèce de rivalité des mémoires, notamment entre gaullistes et communistes, et que les gaullistes ont essayé d'imposer la date du 10 juillet 1940 comme une date équivalent, rivale de la de juin gaullien. Donc, du coup, Il y a bien eu des tentatives pour s'opposer, qui n'ont pas réussi. Les communistes n'ont jamais réussi à s'imposer sur ce plan. En revanche, dans le cas alors de la Shoah, effectivement, la question est plus compliquée. Il y a un contexte d'époque pour De Gaulle, après la guerre, et comme beaucoup de Français, désigner ou identifier les Juifs comme tels, au lieu de les ramener au sein du giron national, avec cette idée qui nous choque peut-être un peu aujourd'hui, que la France est d'une certaine manière une patrie universelle, et que c'est les reconnaître comme Français que de les intégrer dans la nation, pour De Gaulle, ça semblait important. Autrement dit, les Juifs ne sont pas absents. Il y a plusieurs mentions, mais ils le sont toujours à égalité ou de la même manière que le seraient des résistants. Ils sont, en quelque sorte, ils sont tombés comme d'autres résistants, comme d'autres Français. Il s'agit de les identifier à la France. Alors, c'est quelque chose qui était vraiment un trait d'époque. Il est évident que après les années 70, insérer, comme on le faisait, les Juifs à l'intérieur de la France, c'était en quelque sorte nier leur identité, nier leur voix, refouler des souffrances qui seraient spécifiques. Et je pense que là, le texte fait vraiment l'objet d'une forme de malentendu qui tient à un phénomène d'époque. Mais il aurait pu y revenir peut-être plus tard, c'est-à-dire que quand après on a eu des livres comme L'espèce humaine d'Anthelme ou Les jours de notre mort de David Rousset... Non, alors attention, ces textes-là, ils sont publiés mais très peu lus. Ils ne enfin, vont De devenir... Gaulle quand même était au courant de ces textes-là. Je ne pense pas. Les textes sont très peu lus. Ils n'ont pas du tout le statut qu'ils peuvent avoir après les années 70. Mais après, mais quand même dans les années 50-60, lui-même a été dans sa famille touché aussi par... Mais Anthelme n'est pas juif. Anthelme est un résistant. La plupart des textes qui ont été écrits, alors ils n'ont pas eu le succès et la réception qu'ils ont pu avoir sur le temps ensuite, lorsque l'opinion a changé et lorsqu'a émergé l'identité juive et la voix juive et la mémoire juive à partir des années 70. Mais de plus, de toute façon, la plupart des textes vraiment qui ont marqué, comme celui d'Anthelme, étaient des textes où Rousset, qui était très connu, ou d'autres, étaient des textes qui étaient des textes de résistants en fait, et non pas de. Donc il faut faire attention parce que ce qui nous choque aujourd'hui, c'est l'oubli ou la négligence sur l'extermination et non pas la déportation en tant que telle. La déportation était très présente et De Gaulle en parle et les Juifs se noyaient au milieu des autres déportés alors qu'en réalité, effectivement, les Juifs, eux, étaient victimes d'extermination. Mais le discours sur l'extermination a mis longtemps à émerger en tant que tel. Enfin, on aurait pu imaginer quelqu'un comme De Gaulle aurait pu le voir. Voir plus que d'autres et avant les autres. Oui, mais je crois qu'il n'y était pas attentif. Les Juifs étaient des Français, comme les autres, à ses yeux. Alors, il y a trois étapes, trois modèles, nous expliquez-vous, dans la manière dont De Gaulle présente l'effondrement national en 40, la tragédie, la comédie et l'épopée. Peut-être pourrait-on terminer notre émission sur ces trois concepts-là, Jean-Louis Jeannet. La tragédie, c'est l'effondrement. C'est 40, juin 40, c'est la déconfiture politique, ce sont toutes les institutions, tous les corps de l'État qui abandonnent en quelque sorte les Français, et notamment l'armée, afin de sauver un honneur militaire, ce qui n'a pas lieu d'être aux yeux de De Gaulle évidemment, parce que l'armée s'est trompée sur la manière dont les Allemands se préparaient à cette guerre. En imposant une guerre de défense, en quelque sorte, en pariant sur la défense au lieu de parier sur l'attaque, comme le voulait De Gaulle, qui défendait l'option des chars. La comédie, c'est la comédie politique, en quelque sorte. C'est un registre qui est important chez lui parce qu'il relève de la polémique. Il y a toute une insistance. Alors, elle ne concerne pas que la France, d'une certaine manière. Parce que ce qui est intéressant dans le cas de De Gaulle, par opposition avec Churchill, c'est qu'il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur de la France et il passe la guerre à l'extérieur de la France. Ce qui rend son texte un petit peu périlleux parce qu'il faut incarner la France sans être dans ses frontières. Une autre France. Il y a quelque chose d'assez fort, alors que Churchill, au contraire, est le représentant du pouvoir, parfaitement légitime. Il n'écrit pas ses mémoires, il écrit The Second World War, qu'on a traduit par mémoire, mais c'est la Seconde Guerre mondiale. Il incarne la Seconde Guerre mondiale par le biais de l'Angleterre, à qu'il sorte à lui tout seul. Et l'épopée. Alors l'épopée, c'est la fin, c'est-à-dire, elle a une dimension, c'est la libération de la France, et c'est surtout le projet gaullien qui ne sera en quelque sorte véritablement accompli qu'en 58, après 58. Ce qui est intéressant, c'est, vous savez que le troisième tome, Le Salut, se termine sur la retraite de Gaulle en Cincinnatus, se retirant à la Boisserie. Or, à ce moment, au moment où le texte est publié, on est en 59, il est déjà au pouvoir, il est revenu au pouvoir, il a imposé la Ve République. En tout cas, tragédie, comédie, épopée, tout cela sont des mots très littéraires et des mots qui montrent, semblent montrer qu'en tout cas, le général de Gaulle avait envie d'être à la fois un tragédien, un comédien et un grand personnage épique. Merci beaucoup Jean-Louis Janel. Pour aller plus loin, je renvoie à la revue Les Temps Modernes de novembre-décembre 2010 que vous avez dirigée et qui portait ce titre De Gaulle, la littérature et la France. Et puis sur la question des mémoires en général, signalons votre ouvrage Écrire ses mémoires au XXe siècle que vous avez publié chez Gallimard en 2012. C'est la fin de cette semaine consacrée aux mémoires de guerre dans la compagnie des auteurs. Merci à Anne, Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Kevin Boisseau. La semaine prochaine, une toute autre ambiance puisque nous parlerons de la série Mad Men. Tout de suite, c'est Jacques Bonnafé. Bonjour, quatrième jour, semaine ésotérique. Nous passons d'Apollinaire à Jean-Christophe Bailly qui écrit Les Parcs. Version russe, dit-il, au cours d'une insomnie. C'est un texte inédit, non publié, celui-là. Qu'en faire de la peignée si tu venais? Elles mangeaient des biscottes, elles étaient assises. Nous étions deux à les regarder. Elles étaient venues des plumages associés, puis rigolèrent. C'est une petite scène, alors, que nous vous jouons. Et par ici, dans la cabane, à la lueur d'une lampe de chantier, emmitouflés nous étions, les miettes de biscottes tombant sur les duvets. On se figure un film, des clapets, des écluses d'images fondues. L'une d'elles, il me semble, boitait. En venant, elles sont venues. Elles sont assises et mangent des biscottes. Mais maintenant, il n'y en a plus, ne font plus rien. Regarde, lisez-nous quelque chose, dirent-elles. Nous n'avons rien ici, répondis-je. Alors inventez, dit l'accent. Ce que je fais, dis-je, et je dus m'exécuter. Il y avait en elle quelque chose d'impérieux. Donc, un récit. Donc, effectivement, le poème est un récit. Là, c'est Jacques qui parle. Je devais faire vite et ne pas réciter. Juste avant, j'ouvris la porte et sortis fumer une cigarette. Dans l'air froid, l'herbe formait des baguettes de givre, des dessins de lignes brisées blanches, un peu de vert remonté sous la lune. Des chiens aboyèrent en direction de l'horizon. La porte refermée, café froid, coussin, duvet, lit de camp, divan. Elle n'avait pas bougé. La nuit était descendue d'un cran. Je descendis en moi pour me régler sur elle. J'avançai dans l'eau de la grotte lumineuse. « Oh non, pas ça !» dirent-elles. Je me tus. Dans la grotte, il y avait un secret. Tant mieux. Et dans la cabane, il n'y avait plus rien. Pas même une tension, pas même une retombée. Un peu d'épaisseur, peut-être un peu trop. On se figure un film où le montage patine et se bloque. Elles s'affaissaient. Je crus qu'elles avaient sommeil. Combien cela dura-t-il? Je ne sais pas. Une heure ou deux, ou moins. Mais vint la voix, vint le chant. L'une d'elles secouant les miettes du duvet, sortant du duvet, allant à la petite table dans la pénombre, alla et dit, chanta. Dans l'usine de Pembroke, nous avions des tabliers de cuir qui nous protégeaient des chocs et de la chaleur. Dans l'usine de Pembroke, j'ai suivi un stage de 3 ans à l'atelier où l'on emboutissait les tôles. Les hommes désiraient cette femme qui sentait l'acier, mais se méfiant de ses grosses pinces plus d'une fois, j'ai dû m'en servir. De l'usine de Pembroke, je suis sorti pour aller à l'usine sans nom, où l'on forgeait les ciseaux. 2 années entières s'écoulaient avant qu'on ait le droit de forger sa propre paire. Ce que je fis enfin un jour de juillet, alors qu'on moissonnait dans les plaines, j'ai traversé des champs d'or pilés et attendu un bus dans un village. Et puis j'ai fait le tour de la terre, et maintenant je suis là. Et le poème délirant, l'ode onirique au travail continu, d'un poème de Jean-Christophe Bailly, Les Parcs. Jacques Bonnafé, merci.